cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخذنا في درسنا الأخير هذه هي المسألة أي هل البسملة آية من الفاتحة أو لا وتقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة les savants ils ont divergé est-ce que البسملة أي قول بسم الله الرحمن الرحيم est-ce que c'est un verset de سورة الفاتحة أو لا وشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيّن il a démontré أنها ليست من الفاتحة Et il a cité quelques adillah ala dhalik, des preuves. Fa'indamal, faddal. Le hadith Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Qal, sallaytu khalfan, nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa abu baqir, wa umar, wa uthman, wa kanu yastaftihuna, bilhamdulillahi rabbil alamin, la yadkhuluna, bismillahi rahmani rahim, fil awwali iqra. في أول قراءة ولا في آخرها نعم ووجه الاستدلال من هذا الحديث تفضل أين في هذا الحديث أن الفاتحة أو أن البسملة سيبان في قصد سورة الفاتحة تفضل لو البسملة آيات الفاتحة أحسنت أنها لو كانت من الفاتحة لكان الحكم الجهر أي بالبسملة ونغلو مم حكم أما سد ديفيرونس في الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ي غسيتي با البسملة فوا أوت سا مونتر كي أون ديفيرونس افيك الفاتحة لأن الفاتحة سا فوا أوت فالشيخ ابن عثيمين لا كونكلو أن البسملة سي با ان فيرسي دو الفاتحة لأن حتى في الجهر يان ديفيرونس أي لا ريسيتاسيون افوا أوت سي با كوم الفاتحة لا ريسيت افوا باس أي البسملة سان دليل أنها ليست من الفاتحة هذا حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم دليل آخر تفضل نعم وجبد السورة بالآية الحمد لله رب العالمين ليس بالبسملة أحسنت أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أجي بختج إلى الصلاة أندو هكذا قال عز وجل ومعنى الصلاة هنا الفاتحة لأن Allah subhanahu wa ta'ala va citer les versets de Al-Fatiha. Et le premier verset que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Cheikh Ibn Uthaymeen l'a démontré en Al-Basmala, c'est pas un verset de Al-Fatiha. Wa illa il aurait été cité huna. Et كذلك, il a cité, rahmatullah alayhi, ma yata'alak bi hada taqsim, qassamtu salat, en deux parties. Une partie pour Allah subhanahu wa ta'ala, la dernière partie pour l'abd, et un verset pour les deux, pour Allah azza wa jalla et pour l'abd. Les trois premiers, c'est pour l'abd, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, wa hiya thalath al-oula, ay ayatun lil'abd, et les trois dernières, lillahi azza wa jalla, et celle du milieu, iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. حق لله et c'est pour l'abd كذلك فعلى هذا التقسيم si on commence par الحمد c'est le premier verset فيا aucun إشكال الحمد لله رب العالمين c'est le premier verset الرحمن الرحيم le deuxième مالك يوم الدين le troisième إياك نعبد وإياك نستعين le quatrième c'est pour les deux ثم les trois derniers اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما si on on met le basmala comme premier verset, enfin le dernier verset il sera très long. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ça sera ça, tout ça le dernier verset. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il a montré que l'asl fi as-suwar, c'est que les versets sont proches min hayth la longueur. على هذا يسأبيه سرّفّس ما تقدم. قال ومن المعلوم أن تقارب الآيات في الطول والقصر هو الأصل. التقارب c'est que les versets dans une sourate en général, surtout les dernières sourates, les sourates courtes, min juz amma, vous avez remarqué que les versets en général ils ont presque la même longueur. C'est ça l'asl. Et Cheikh Ibn Uthaymeen montre que si on dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim c'est le premier verset, le dernier sera très long. Les anna surat al-Fatiha c'est 7 versets. As-sab'u al-mathani. Donc le dernier verset sera très long. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim le premier. Alhamdulillah rabbil alamin le deuxième. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Troisième, ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta 'alayhim. Le troisième, Maliki Yawmiddin. Le quatrième, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Le cinquième, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ça, c'est sans le Fatiha. Sans le Basmala. Si on rajoute le Fatiha, on est déjà au sixième. Le dernier, Sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim waladdallin. Vous avez remarqué qu'il est beaucoup plus long que les autres. Hada. Cheikh Ibn Uthaymeen s'est appuyé sur ce point. Et, al-haqiqa, hadith Anas. Et kadalik, hadith Abi Huraira, radiyallahu anhuma. ووجهه والاستدلال لقوي سرعة شبن عثيمين سعون فرص فالقول الصواب والله تعالى أعلم أن البسملة سيبا ان فرصة من سورة الفاتحة وكذلك سيبا ان فرصة pour toutes les autres sourates on a dit إلا سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فالفاتحة la question qu'on peut se poser الآن أو plutôt البسملة le premier verset. La question qu'on peut se poser, si ce n'est pas un verset de la sourah, que ce soit le Fatiha ou autre, est-ce que c'est un verset? Non, c'est un verset. C'est un verset du Coran. Un verset du Coran al-Karim. Lakin, comme a dit كثير من أهل العلم, c'est pour séparer la sourah. Et bien sûr, pour commencer la sourah, comme on a vu, al-tabarruk ila akhiri bismillahi azza wa jal. Wal-isti'ana bihi subhanah. Hada. خلاصة هذه المسألة سسالة لغزيمي دو ست مسألة والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. Donc c'est le premier verset de سورة الفاتحة على ما تقدم. قال الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. المحمود أي هنا c'est الله سبحانه وتعالى. Al-Hamid, c'est celui qui va faire le Hamd. Maintenant, ici, c'est nous. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Hamd, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mahmoud, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Huna min bab al-ikhbar. Wasfu al-Mahmoud bil-kamal ma' al-mahabbati wa al-ta'zim. C'est ça, Al-Hamd. Ay, c'est de citer sifatu al-kamal. لله سبحانه وتعالى avec deux choses, المحبة والتعظيم. أي بمحبة أي on l'aime سبحانه وتعالى وكذلك نعظمه فأن ست ses أوصاف كاملة. مثلا on dit Allah c'est أرحم الراحمين. Allah c'est القوي. Allah c'est العزيز. Allah c'est الجبار. Allah c'est العليم. Et Allah سبحانه وتعالى il veut اليسر pour ses عباد. وهكذا. Tout ça, bimahabbatin wa ta'zim. Et ces deux points, c'est important. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, al-kamal al-dhati wal-wasfi wal-fi'li, fahuwa kamilun fi dhatihi wa sifatihi wa af'ali. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Azza wa Jalla, lui-même. Ses noms, ils sont parfaits. Ses attributs, ils sont parfaits. Af'aluh, kadhalik, ses actions, subhanahu. Allah, il fait des choses. يرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويهدي من يشاء. Il guide qui veut, il égare qui veut, il élève qui veut, il rabaisse qui veut. Tous ces af'al, ils sont parfaits. Subhan. قال ولا بد من قيد وهو المحبة والتعظيم. أما citer les صفات d'Allah سبحانه وتعالى, ses noms, ses attributs, أفعاله عز وجل, ça c'est clair. لكن لا بد من هذا القيد مع المحبة والتعظيم. المحبة c'est clair, أي aimer, والتعظيم ça vient de العظمة, أي تعظم الله سبحانه وتعالى. Hey, tu sais que c'est le Khaliq qui est à la kulli shay'in qadir, et t'es un abd, t'es un dha'if. Qala ahlul ilm. Pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen il a rajouté hala? Pourquoi il ne s'est pas arrêté à citer les caractéristiques, les sifat, les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça le hamd. On dit Allah il est karim, Allah il est qawi, il est akhiri. Tout ça on le cite bi mahabba wa ta'zim. Lianna ba'dan nas, ils peuvent citer les caractéristiques d'une chose, lakin ce n'est pas bi mahabba wa ta'zim. Ta'ammal l'exemple qu'il va citer, ça va être plus clair. Qala li anna mujarrad wasfihi bil kamal bidun mahabba wa la ta'zim la yusamma hamdan wa innama yusamma madhan. C'est une fa'ida, t'as deux mots, t'as le hamd et t'as le madh. Al madh ça veut dire citer les caractéristiques de wahid, ses qualités, et parler en bien de lui, c'est ça le madh. Alhamd كذلك, lakin la différence c'est que alhamd c'est bi mahabbatin wa ta'zim. Amma almadh ça peut être wahid matalan, je vais vous donner un exemple, il peut citer wahid anna fulan il est généreux, anna fulan il est intelligent, anna fulan il fait du bien, et fil haqiqa il le déteste. Lakin pourquoi il cite ses qualités? Lianahu il a une fa'ida pour lui, طمعون في الدنيا, ou il a peur de cette personne, fait ici de ses qualités pour se préserver de son mal. Il va citer l'exemple avec les poètes. قال ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا. Ça arrive هذا. أن واحد يسيت un autre en bien et في الحقيقة il le déteste. لكن pourquoi il cite ses qualités? Pourquoi il fait ses éloges? Kadhalik ils traduisent par louer quelqu'un, la louange. C'est pour ça qu'ils traduisent Alhamdulillah Rabbil Alamin par la louange. Limadha? Li'annahu il a un profit, pas parce qu'il l'aime. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, lakinahu yurid an yanal minhu shay'an tajid ba'd ash-shu'ara yaqif amam al-umara thumma ya'ti lahum bi awsaf 'azima la mahabbata fihi la mahabbata fihim aw la mahabbatan fihim. Na'am, ay c'est pas min bab al-mahabba. Tu trouves certains poètes, il cite en bien le gouverneur, pas par amour envers ce gouverneur. Rabbama, il le déteste. Lakin, il a une place. Rabbama, il reçoit un salaire. Ou s'il ne dit pas ses qualités, s'il ne les cite pas, Rabbama, il se fait emprisonner. Rabbama, il se fait toucher par un mal. Enfin, il cite ses caractéristiques, ses qualités. قال شيخ ابن عثيمين ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم كما قلنا إما لأنه يغسوى de l'argent, il cite ses qualités. مثلا il va écrire une longue poésie في أوصاف الأمير, أي les qualités de ce gouverneur. لماذا؟ لأنه يغسوى de l'argent. Et si Et s'il ne cite pas ses qualités, Obama il ne reçoit plus. Il cite هذا la min bab al mahabba. Ça s'appelle comment هذا? عندما المدح. نعم المدح. Tu dis فلان يمدح فلان. Il fait ses éloges. Et Obama il fait ses éloges ولا يحبه. قال ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. أما الحمد كل مؤمن يفئ envers الله سبحانه وتعالى سن عبادة عظيمة, هذا الحمد اللي فوندي سوغ المحبة والتعظيم. Et le mu'min, il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il espère la récompense, wa yu'azzim Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhaf minhu. Il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna Allah il est ala kulli shay'in qadir. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a beaucoup donné. Il lui a donné la bonne santé, wa ahammu min dhalik, il lui a donné l'istiqama, il l'a guidé, si c'est un mu'min, et toutes ces ni'am, et la nourriture, et la akhira, c'est min Allah, fa il dit Alhamdulillah Rabbil Alameen. Et yahmadullah subhanahu wa ta'ala bi mahabbatin wa ta'zim. Pourquoi? L'an Allah khaliquh. C'est Allah qui l'a créé et c'est Allah qui lui a tout donné. Tout ce qu'il a, c'est min Allah. Comme قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. Chaque ni'ma que tu as, c'est min Allah. Et chaque mal que tu, qui t'a pas touché, c'est bi'idnillah jalla wa ala. C'est Allah qui repousse. Al-mu'min, si on a compris tout ça, yajib alayhi an yahmad Allah. Qala wa al fi al-hamd lil istighraq. Ay istighraq jami' al-mahamid. Al c'est lil istighraq. Hakadha yaqul ulama an-nahw, ulama al-lugha. La définition de al c'est lil istighraq. Le alif wa lam quand il rentre dans un nom, هذا الال il a un معنى. Et il y a plusieurs définitions. هنا الحمد c'est للاستغراق. Ça veut dire quoi للاستغراق? Ça veut dire que tu peux remplacer le alif wa lam par kul. C'est ça l'istighraq. Et ça englobe tout. فالحمد اي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. اي toutes les louanges, c'est pour ça qu'ils traduisent هكذا, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le alif wa lam, c'est l'istighraq. Aïe, istighraq, jami' al-mahamid. Limaza li'anna ma min ni'ma, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est normal que alhamd, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jami' al-mahamid. Alhamdu, donc, c'est wasf al-mahmoud bil-kamal ma'al-mahabbati. الآن إن شاء الله سيكمبخي لكن دي الحمد لله الحمد سوصف المحمود أي سيتي لزاتخبو دي الله سبحانه وتعالى سي نوم سي كاليتي سي زاكسيون تو سا سي بارفي on les cite avec محبة والتعظيم قوله تعالى لله الحمد لله اللام للاختصاص حرف اللام كذلك الى différentes définitions dans la langue arabe. هنا حرف اللام il est rentré dans ce nom لفظ الجلاله الله الحمد لله فاللام للاختصاص والاستحقاق. Vous connaissez le mot فلان يستحق كذا, اي il mérite telle chose. هذا اللام الان c'est للاختصاص والاستحقاق. الاختصاص ça vient de خاص, c'est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa l'istihqaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite toute jami' al-mahamid. Qala wallahu ismu rabbina azza wa jal la yusamma bihi ghayruh. Wa hada taqaddam ma'ana fi al-basmalah. An Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'a le droit d'être appelé bihada al-ism, illa Allah subhanahu wa ta'ala. ومعناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. Et ça c'est important de connaître ce genre de définition, ce genre de معاني, أي معاني الأسماء. فالله سبحانه وتعالى c'est un nom عظيم, c'est لفظ الجلالة, c'est الاسم الأعظم. Tous les noms ils suivent ce nom. C'est pour ça que دائما on dit Allah, c'est Al-Aziz, c'est Al-Hakim, c'est Al-Aziz, c'est Al-Jabbar, il a akhiré. Fa connaître هذا le معنى. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, معنى Al-Ma'louh. Et vous connaissez le mot Uluhiyya, vous connaissez le mot Ilah. Et c'est celui qui est adoré. Fa Al-Ma'louh, c'est celui qui mérite l'adoration. Hubban wa ta'ziman. Ça fait sortir Al-Munafiq. Al-Munafiq, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, lakin pas min bab Al-Hub wa ta'zim. Vous avez remarqué, c'est comme la différence entre al-madh wa al-thana. Al-munafiq, il fait salat, probablement il fait le hajj, il fait certaines adorations, lakin la hubban wa ta'ziman. La huwa c'est pour se montrer, imma pour un profit min umur ad-dunya, imma pour se protéger d'un mal. Et pour lui. Fa hadha la yastafid min ibadatihi shay'an. لأن العبادة لا بد كأن تفندي على المحبة والتعظيم والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى c'est le مستحق للعبادة وحده. Quand on dit Alhamdulillah, on sait que Allah il a des noms parfaits, des attributs parfaits, il fait ce qu'il veut, tout ce qu'il fait c'est fondé sur Al-ilm ou Al-hikmah, et c'est du khayr, et Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala dhalik. C'est pour ça que on doit être reconnaissant. Et avec tout ça, quand on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, on sait que Allah c'est lui qui mérite l'adoration. Enfin, pourquoi adorer un autre? كما يفعل بعض الضلال انهم يزادون الطن انهم يزادون دي اولياء كمي كمي بريتون بعضهم يزادون دي انبياء بعضهم يزادون دي دي زوت كرياتور عيادا بالله alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-malik c'est lui rabbul alamin comme c'est cité dans le premier verset alhamdulillah rabbil alamin pourquoi adorer un autre celui qui comprend ce nom Et Inch'Allah, ça va être, s'il applique, ça va être un mouhid. Il sait que Al-Ma'louh, Al-Ma'boud, Bihaq, c'est Allah Azza wa Jal. Qala Cheikh Al-Uthaymeen. Wa qawluhu ta'ala, Rabbil Alameen. Al-Rabb, huwa man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. Al-Khalq, wal-Mulk, wal-Tadbir. Alhamdulillah, Cheikh Al-Uthaymeen, il nous a expliqué. Al-An, قوله عز وجل رب العالمين الرب c'est celui qui a trois choses trois أوصاف trois caractéristiques سبحانه الخلق والملك والتدبير هذا هو الرب celui qui n'a pas ces choses c'est pas un رب والرب il est واحد لأن ces choses elles sont réservées exclusivement à Allah سبحانه وتعالى الخلق أي celui qui crée c'est le خالق سبحانه Deuxième point, Al-Mulk. Il possède tout. Tout ce que tu vois, tu entends, ou tu vois pas, ou tu entends pas, tout ce qui est via hadha al-kawm, c'est min mulkillahi subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui sort min hadha. Allah, c'est Al-Khaliq. Et tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est makhlouq. C'est min mulkihi azza wa jal. Donc, deuxième point, Al-Mulk. Troisième point, Al-Tadbir. Tadbir, c'est le fait de gérer. Allah, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, qui guide un tel, qui égare un autre. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui prend. Enfin, Allah, il gère tout. Subhanahu wa ta'ala. Donc, trois points. Al-Khalq, wal-Mulk, wal-Tadbir. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, fahuwa al-Khaliq, al-Malik, li kulli shay, al-Mudabbir, li jami' al-Umur. والعالمين قال العلماء كل ما سوى الله فهو من العالم العالم بفتح اللام أما بكسرها سامين العلم العالم وهنا العالم قال وصف بذلك غني العالمين العالمين قال العلماء إيه لا في هذا أنصام ولله الحمد في شرح الأصول الثلاثة أن العالمين كل ما سوى الله فهو من العالم C'est ce qu'on a cité. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est min al-alam. Ay, c'est makhlouq. Qala, wa wusifa bidhalik, li'anna, wa wusifu bidhalik, ay al-alam, li'annahum alamun ala khaliqihim. Fa fi kulli shay, min al-makhlouqat, ayatun tadul ala al-khaliq, ala qudratihi, wa hikmatihi, wa rahmatihi, wa izzatihi, wa ghayri dhalik, min ma'ani rububiyyatihi. Pourquoi وصفوا بهذا اللفظ العالمين العالم لماذا؟ قال لأنهم عالم وكنسي لمو ربما علامة الساعة أي لسين دو لفن دي التم فشك مخلوق سي علم سي سين كي ان كخاتر مثلا للسولي سي من العالمين سي ان كخاتر ست كخاتر سي ان كخاتر عظيمة للسولي C'est immense. Et cette créature, elle montre qu'il y a un khaliq. Le soleil, il n'est pas apparu tout seul. L'être humain, ça montre qu'il y a un créateur. Enfin, chaque chose, c'est un délil que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. C'est pour ça qu'ils ont appelé, ils sont appelés al-alamin. Ça vient de l'alam. Et l'alam, قال, وصفوا بذلك لأنهم علم. C'est un signe en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Azza wa jal. قال الفوائد هذا الترتيب الطيب أي le fait d'expliquer أولا les mots Al-Alfad. Thumma, Cheikh Ibn Uthaymeen, il cite des fawaïd. Et qu'est-ce que tu retires de ce verset ? Qala awwalan min fawaïd al-aya. Aïe, le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ithbatul hamd al-kamil lillahi azza wa jal. وذلك من ال في قوله تعالى الحمد لانها داله على الاستغراق. Ça nous montre l'importance d'étudier la langue arabe. هذا الحرف الف واللام ال تستفيد منه الاستغراق, اي tu peux le remplacer par كل فتستفيد ان جميع المحامد, جميع انواع المحامد, جميع اجناس المحامد, c'est لله عز وجل, اي الله سبحانه وتعالى mérite tout les mahamid, ils traduisent par les louanges. وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَحِقٌ مُخْتَصٌ بِالْحَمْدَ الْكَامِلِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ. لماذا؟ لأنه سرب العالمين سبحانه. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره فقال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était touché par un bien, il disait Alhamdulillah, alladhi bi ni'amihi tatimmu s-salihat. Ou bi ni'amatihi tatimmu s-salihat. Wa hakadha al-mu'min, il doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas être insouciant min al-ghafilin. La, l'insan da'iman sa'aqida anna ce bien, que ce soit un enfant, que ce soit du ilm, que ce soit la bonne santé, que ce soit la guidée, que ce soit de l'argent ou autre, il doit avoir la conviction « Anna hadha c'est min Allah »« Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » Al-insani yihmadullah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'ma. Qala « Wa idha asabahu khilafu thalik » Si tu es éprouvé, touché par quelque chose qui te fait du mal, « Kadhalik tahmadullah subhanahu wa ta'ala » Qala, ayy sallallahu alayhi wa sallam, « Alhamdulillah ala kulli hal » Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était touché par une épreuve, il disait Alhamdulillah ala kulli hal. Limadha li'anna hatta dans cette épreuve il y a un bien. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, qala azza wa jal. Peut-être que c'est, vous êtes touché par un mal et c'est un bien pour vous. Limadha li'anna Allah ya'lam. Allah il sait et nous on ne sait pas. Fal insan yuhsin adhan billah, même dans cette situation. Il dit Alhamdulillah ala kulli hal. Rubama, tu as perdu de l'argent. C'est une moussaïva. Tu dis Alhamdulillah ala kulli hal. Limadha li'anna celui qui a qadr que tu as perdu l'argent, c'est Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit au départ, on a toutes ses actions, c'est du khair et c'est fondé sur le hikmah. Anta, tu dis Alhamdulillah. Allah, il sait. Peut-être que cet argent, tu ne l'aurais pas perdu, il t'aurait fait beaucoup de mal à ton dîn. Peut-être que cet argent, tu ne l'aurais pas perdu. Ou un hadith l'aurait pris de force et il t'aurait fait du mal. Robama, il te tue, Robama. Ah, tu l'as perdu, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah. Hakada, celui qui perd un enfant. Hakada, celui qui a des problèmes de santé. Hakada, celui qui a oublié une chose. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ou l'ulama, il cite هنا une mas'ala. Wa hiya al-furqu bayna al-hamd wa al-shukr. Al-shukr. Et être reconnaissant, ça ressemble au hamd. Falhamdulillah ou shukrulillah. Lakin, ahlul ilm différencie à deux niveaux entre alhamd ou shukr. Il différencie awwalan min hayth anna alhamd. C'est pour une ni'ma. Ça peut être pour une ni'ma ou pour une mihna. Quelque chose de bien ou quelque chose de mal en apparence. Tu dis alhamdulillah ala kulli hal. Même si c'est une épreuve, même si c'est quelque chose qui te fait du mal, même si c'est la perte d'un proche, alhamd. Donc, c'est dans les deux situations. Al-shukru, c'est que pour al-khayr. Il différencie hakada, wa'adu ahlul ilm. Kadhalik, il différencie an-alhamd, c'est avec le cœur et avec la langue. Et la façon de faire alhamd, c'est avec le cœur, bien sûr, innama al-a'malu bin niyyat, et c'est avec la langue. Tu dis alhamdulillah. Ash-shukru, c'est plus vaste. C'est avec le cœur, avec la langue et avec les membres. Tashkuru Allah subhanahu wa ta'ala avec tes membres, kadhalik. C'est qui répète les deux points. Alhamd, c'est plus vaste dans une situation et shukru, c'est plus vaste dans l'autre. Indaman, c'est qui répète. Tawaddal. Al-awwal, alhamd ala على كل شيء. نعم على كل حال. Que ça soit une ni'ma ou mihna, que ça soit pour la bonne santé ou pour une maladie, tu as de l'argent ou tu as perdu de l'argent, tu as gagné de l'argent ou tu as perdu de l'argent, alhamdulillah. Donc alhamd c'est plus vaste que mada al-shukr. Amma al-shukr c'est na'am, c'est pour une ni'ma. Tashkurullah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-ni'ma. Ah, ça c'est le premier point. Deuxième point, al-shukr ça va être plus vaste que le hamd. À quel niveau? Indaman. Inda. Parce que c'est fait avec le cœur, la langue et les gestes. Bil arabiya. Afal ma'al qalb. Al qalb. Wal lisan. Wal jawarih. Amma al hamd. Al hamd ma'al qalb wal lisan. Amma al hamd fa bil qalb wal lisan. Hada. العلماء يذكرونه pour différencier entre الحمد والشكر. قال الشيخ ابن عثيمين ومنها troisième فائدة تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية. Qui c'est qui nous cite هذا? Il nous montre هذا التقديم. تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية. تفضل. On a dit que l'afdul jalala, ma'na, c'est al-ma'louh, c'est celui qui mérite l'adoration. Donc c'est tawhid al-uluhiyya. Al-rububiyya, c'est qawluhu azza wa jal, rabbil alami. Donc si tu relis le verset, alhamdulillah, tawhid al-uluhiyya, rabbil alamin, tawhid al-rububiyya. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, taqdim wasfillah bil-uluhiyya. Et Allah, il a cité al-uluhiyya avant, alhamdulillah, ensuite, ثم الى cité الربوبية. الحمد لله رب العالمين. هي الفائدة عظيمة في هذا التقديم. قال شيخ العثيمين وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء أو تتبعه جميع الأسماء. إما c'est parce que لفظ الجلالة الله c'est الاسم الخاص بالله سبحانه وتعالى et tous les noms ils suivent ce nom. فالله سبحانه وتعالى il a cité l'afdul jalala ثم il a cité رب العالمين. C'était la même chose في ماذا? Vous vous rappelez la même chose que dans quel verset? بسم الله الرحمن الرحيم l'afdul jalala ثم اسم الرحمن الرحيم. Ça suit. هنا نفس الشيء. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, وَإِمَّا لِأَنَّ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ يُنْكِرُونَ الْأُلُوهِيَّ فَقَطْ. إِمَّا لِأَنَّ الرُّسُلُ ils ont été envoyés pour appeler leur peuple à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. أي أن الربوبية la plupart des gens ils reconnaissaient أن الله c'est le خالق, c'est le محي, c'est le مميت, c'est le ملك عز وجل. لكن أنكروا الألوهية وظلوا في باب العبادة. فلهذا الله سبحانه وتعالى il a cité al-uluhiyya avant. Et là, mani'a les deux ensemble, ça donne une ma'na tayyiba. Et ça nous montre anna al-da'i ila Allah il commence par al-tawhid, tawhid al-uluhiyya. Amma reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur, c'est wajib, lakin ça ne fait pas rentrer fait l'islam. Anna, ce qui fait rentrer fait l'islam, c'est al-shahada. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هي معنى ست شهادة سأدغي الله سبحانه وتعالى السل. فالدعي إلى الله commence par هذا. Si c'est des gens ينكرون وجود الرب, il leur montre أن الله c'est le خالق, c'est le créateur de toutes choses, et il leur montre que pour entrer في الإسلام il faut l'unifier في العبادة. أما وعد الضلال avant الدعوة, et ils accentuent et ils appuient en Allah c'est le Khaliq, et ils appellent pas à tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. هذه الدعوة الخالف دعوة الرسل والأنبياء. Donc نحن on donne de l'importance à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné de l'importance, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On donne de l'importance à tawhid al-rububiyya et on donne de l'importance à tawhid al-uluhiyya, lakin on sait لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن la plupart des gens ils reconnaissent توحيد الربوبية. Malgré cela النبي صلى الله عليه وسلم Il a démontré qu'ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Bel, il les a combattus. Donc on conclut de tout cela, un da'i ilallah, il fait des efforts fit tawhid al-uluhiyya. L'apprendre, le mettre en pratique, et ad-da'wa. Et appeler ses proches, et man istata'a minan nas ila dhalik, à ce tawhid. فَقَوْلُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ C'est le premier verset. وَاسْتَفَدْنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ مِنْ كَلَامِ شَيْخُ الْعُثَيْمِينَ قال الرابعة ومنها عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم لقوله تعالى العالمين أي أن الله عز وجل سرب الجميع تستفيد من هذا أن ما من بشر ما من إنس ما من جن il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى سرب الجميع الرب il doit être adoré. يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال عز وجل. Et dans ce verset الحمد لله رب العالمين. Et Allah c'est lui qui mérite l'adoration. لماذا لأنه سرب العالمين رب الجميع. الإنسان il n'a pas été créé هكذا soudain sans aucun but. بل il a été créé pour un but عظيم قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المؤمن il fait des efforts في هذا الباب et vous avez remarqué que le premier verset de le Coran al-Karim c'est في توحيد الألوهية et توحيد الربوبية نعم نقرأ ما يتعلق في قوله تعالى الرحمن الرحيم et on l'a déjà vu في البسملة أي le nom الرحمن والرحيم قال قوله تعالى الرحمن الرحيم الرحمن صفة لللفظ للفظ الجلالة والرحيم صفة أخرى أي الله سبحانه وتعالى c'est الرحمن c'est الرحيم c'est des noms d'Allah سبحانه وتعالى et ces noms c'est des أوصاف لله عز وجل أي dès qu'on dit الحمد لله رب العالمين ثم الله سبحانه وتعالى il a cité deux noms qui le caractérise, Azza wa Jal, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et on a déjà expliqué cela dans le Basmala. Qala wal-Rahman dhu-Rahma al-Wasi'a wal-Rahim dhu-Rahma al-Wasi'a. Hada kadhalik on l'a vu. Anna Ar-Rahman et Ar-Rahim, quand ils sont cités dans le même verset, Ar-Rahman, ça nous montre une sifa azima, sifat ar-Rahma. Et Allah, il a cette sifa. Et Ar-Rahim, c'est kadhalik sifat ar-Rahma. Et Allah subhanahu wa ta'ala, يرحم من يشاء أي سين فعل قال فالرحمن وصفه والرحيم فعله الرحمن سي الصفة أي لاتخيبو دو لا ميزيريكورد الرحمة والرحيم سي الفعل أي لاكسيون أي الله يفي ميزيريكورد أكي إذ عز وجل ولو أنه جيء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل et c'est ça qu'il faut comprendre أن si on a dans un texte اسم الرحمن tout seul ça englobe Ar-Rahim et si on a Ar-Rahim tout seul ça englobe Ar-Rahman فمثلا قول الله عز وجل Ar-Rahman سورة Ar-Rahman فلا شك أن Ar-Rahman c'est Allah il a صفة Ar-Rahman et كذلك il fait Ar-Rahman qui veut يرحم من يشاء لكن cette faïda la différence c'est quand ils sont cités les deux dans un texte comme on avait vu Al-Islam وال-Iman قال لكن إذا اقترنا فسر Ar-Rahman بالوصف والرحيم بالفعل قال الفوائد من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم لله عز وجل وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف ومن الرحمة التي هي الفعل هكذا المؤمن il croit aux noms et aux attributs qui sont cités في القرآن الكريم وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم et chaque nom il renferme un attribut فنؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة On croit en nous et on croit en la tribu. قال ومنها deuxième فائدة أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام قال تعالى الرحمن الرحيم فائدة عظيمة أن الله سي الرب سي الملك Il est à la kulli shay'in qadir. Il fait ce qu'il veut, Jalla wa ala. Et après avoir cité Rububiyya, on sait que Allah c'est un Rabb Rahim. Qala alhamdulillah Rabbil alami. Thumma il a cité ses deux noms. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahim. Wa fi hadith, Abi Huraira, radiyallahu anhu, fi sahihayn, النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق الله quand il a tout décrété عز وجل لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش il a écrit عز وجل dans un livre qui est عنده سبحانه إن رحمتي سبقت غضبي أي صرحمة عز وجل elle devance son غضب sa colère فمن صفات الله عز وجل الغضب الله سبحانه وتعالى يسمي en colère وليس كمثله شيء il ressemble pas à la créature عز وجل et ses attributs كذلك la colère d'Allah c'est pas comme la colère du Bachar فنحن on a cette conviction Allah il a des attributs et on sait أن رحمة الله عز وجل elle devance غضبه سبحانه وتعالى et cette فائدة on doit نحمد الله سبحانه وتعالى عليها c'est pour ça que si tu fais une hasana Allah il la multiplie par 10 بل elle peut être multipliée par plus par 700 ou أكثر كما جاء في الحديث si واحد fait une معصية فعند الله il est compté avoir fait une معصية un péché فقط si fait tawbah Allah il lui pardonne si il fait pas tawbah et il meurt et c'est un mu'min Allah il peut lui pardonner. Avec hada, tu comprends que rahmat Allah azza wa jalla elle est wasi'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il adhab un shakhs, un abd, c'est que ce abd, il mérite. Et wa'aduhum, il mérite et Allah il leur pardonne. Fallah subhanahu wa ta'ala, la yadlim ahad azza wa jalla. Naktafi bi hada al-qadr. Et le prochain cours, nabda fi qawlihi azza wa jalla, maliki yawmiddin, insha'Allah ta'ala. Walhamdulillah.